on a déjà fait une demi-heure, enfin pas encore, mais presque, une indication par rapport au mazhab al-Maliki, de l'imam Malik, rahimahullah, qui est toujours bon à savoir, surtout si vous allez dans des pays tels que le pays de tous les pays du Maghreb, aussi d'Afrique de l'Ouest, où le mazhab qui court le plus, c'est le mazhab al-Maliki. Contrairement en Turquie, par exemple, c'est Hanafi. L'Afghanistan et le Pakistan, c'est Hanafi. L'Indonésie, c'est Shafiri. En Égypte, c'est plutôt Hanafi, mais il y a un peu de Shafiri. Et au Chem, c'est Shafiri et Hanafi. D'accord. Et dans la péninsule arabique, en ce moment, c'est plutôt Hanbali. Mais donc, sachez que dans le mazhab al-Maliki, la zakat est obligatoire, même si la personne donne toute l'année, achète de la nourriture toute l'année assez bête. Mais cet avis est faible, on ne le prend pas parce qu'il y a des hadiths qui impliquent le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a que de la zakat. On donne la zakat seulement si on ne nourrit pas de soi-même, donc si on n'achète pas de la nourriture, moins ou au maximum la moitié de l'année. Et on donne la zakat des animaux si on ne s'en sort pas pour le travail. D'accord ? Contrairement à l'imam Malik. Parce que l'imam Malik dit que si on parle de quelqu'un qui fait qui laboure avec des bœufs, par exemple, eh bien il doit sortir la zakat des bœufs, parce que c'est, d'accord, et l'avis le plus juste, Inch'Allah, c'est que non, on sort pas de la zakat des animaux qui servent à travailler. On a fini les 6 conditions de l'obligation de la zakat, spécifique aux bêtes, d'accord. Et les bêtes, ils sont de 3 sortes. Les chameaux, tout ce qui est tout ce qui touche donc à la vache, donc vache, taureau, bœuf et les jamous, les buffles. Et troisième catégorie, tout ce qui est mouton, de l'espèce des moutons et des chèvres, les ranam. On va continuer un petit peu, Inch'Allah, puis on va s'arrêter, après on va faire le cours du tawhid, Inch'Allah. Apparemment, il y a un message. Voilà. Wa amal athman fa shay'an. Quant aux choses précieuses, ce sont 2 choses. Donc, l'imam Abu Shuja, rahimahullah, maintenant dit, donc la zakat des athman, les choses précieuses, ce sont 2 choses, et pas toutes les choses précieuses. C'est-à-dire que les perles précieuses, il n'y a pas de zakat à sortir des perles précieuses, tout ce qui est rubis, émeraudes, diamants. Mais ce sont 2 choses. C'est quoi? Awalan al-dhahab, premièrement, l'or, d'accord, le métal précieux qu'on appelle l'or. Deuxièmement, fanyan wal-fidda, et l'argent, d'accord, c'est la matière précieuse, ce qu'on appelle l'argent. Donc on sort la zakat d'une manière spécifique, hein, comme on va le voir, et d'une valeur, à partir d'une valeur spécifique, de 2 choses seulement, de l'or et de l'argent, de ces 2 métaux. Donc on ne sort pas l'argent du cuivre ou comme d'autres métaux, ou comme je l'ai dit, par exemple, des diamants ou des pierres précieuses. Du moins, de cette manière-là. Par contre, comme je l'ai dit, si jamais ces pierres précieuses, on s'en sert pour la vente, ça rentre dans ce qu'on appelle... Alors, l'eau de tijara, donc les choses qui sont mises en vente. Ça, c'est autre chose. Ensuite, l'imam Abu Shuja, rahimahullah, a dit « Wa shari'tu wujub zakat fiha khamsatu ashiya » Donc, les conditions de l'obligation de la zakat dans ceci, donc, c'est-à-dire quoi dans ceci? Dans l'or et l'argent, « khamsatu ashiya » sont 5 choses. Donc, c'est une de moins que pour les animaux. Awalan al-Islam. La première chose, c'est l'islam. Donc, il faut que la personne qui possède l'or ou l'argent soit musulman. Comme j'ai dit avant, je ne vais pas tout répéter par rapport aux mécréants, aux kafirs. Hein. Deuxième chose, al-Hurriya, la liberté. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui possède ceci ne soit pas un esclave. Il faut que ce soit un homme ou une femme libre. Bien sûr, comme vous savez, la femme, si elle possède aussi, elle doit sortir la zakat. Hein. C'est seulement le mécréant qui ne sort pas, ou la mécréante. Et la femme ou l'homme esclave aussi. Et comme je le répète, l'homme et la femme esclave appartiennent à leur maître. Troisièmement, Wal-Milkutam, donc la possession complète, et comme je vous l'ai dit, ça c'est, là, il y a 2 avis pour le même Shafiri, ça c'est l'avis ancien, dans le nouvel avis, c'est que non, si la possession n'est pas complète, eh bien il faut quand même qu'il paye la zakat. Quatrièmement, Wan-Nisab, la part, donc une part précise, et qu'on va voir, Inch'Allah, D'accord? Ou cinquièmement, wal-hol est l'année, et l'année lunaire. Et surtout, retenez bien ça. Quand on parle dans la région, et surtout dans le fiqh, d'année, mettez-vous bien ça dans la tête, c'est une année lunaire. Il n'y a pas la peine, c'est pas la peine de poser la question à un prof ou à un cheikh, si vous devez aller voir un cheikh ou autre, si déjà mis quand il parle de la zakat ou d'autres choses, quand il dit une année, c'est une année lunaire. D'accord? Il est 21h35, Inch'Allah, ça fait presque 30 minutes, on va arrêter ici, Inch'Allah, et demain, on continuera, on parlera des cultures et de la cinquième, excusez-moi, de la quatrième catégorie, Inch'Allah, qui sont les fruits, et la cinquième qui est Urlud al-Tijara, mais ça, on la verra plus tard, et après, on verra comment, à partir de quand et comment on sort la zakat de tout ceci. Donc là, maintenant, je vais enlever les sens interdits, là, et si vous avez des questions, posez les questions. Bien sûr, par rapport au cours, hein. Par rapport au cours de la zakat, barakallahu fikum, ne posez pas de questions ou n'intervenez pas sur un autre sujet, barakallahu fikum, d'accord. Donc une fois fini, après je remettrai, j'interdirai tout le monde encore, comment dirais-je, à parler, à écrire, et là on fera le cours du tawhid, et on fera après, j'ouvrirai tous les micros et tout ça pour les questions sur le tawhid. Donc maintenant il faut que j'enlève... ça devrait être bon. Allez-y maintenant, si vous avez des questions sur le cours de la zakat qu'on vient de donner, ou par rapport au livre de fiqh qu'on est en train de faire, si vous avez des questions sur ceci, allez-y. Hein. Je laisse un petit peu de temps. Il y a Elo Eloa qui est venu et qui a apparemment sa caméra... c'est bon. Okay. J'attends vos questions. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut le micro, il peut le prendre pour poser des questions, hein, sur le cours ou ce qui concerne le cours, comme par exemple le livre de fiqh qu'on est en train de faire. Alors, Boukaïs. Alors, Alexandre, est-ce que les cours sont enregistrés? Oui, Inch'Allah, j'enregistre les cours. J'espère que tout va bien marcher et je les mettrai sur le blog islam.france. C'est possible que Repère Sagesse le fasse aussi. Et Inch'Allah, je vais faire une chaîne de télévision sur YouTube, d'accord, qui s'appelle, d'ailleurs je l'ai fait, qui s'appelle Institut Islamique. Et je vais les mettre aussi sur YouTube, Inch'Allah. Alors, excellent, wa barakatou. Abou Hanfal 21 a mis sa caméra, mais de toute façon, moi, normalement, je la vois pas, parce que je crois que j'ai mis un empêchement de voir les caméras. Voilà. C'est quoi la part quatrième dans le... Alors voilà. D'accord. Comme je dis, la part, on va l'étudier en détail. Par rapport aux animaux, la part, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, si une personne qui a par exemple deux chameaux, il n'a pas de zakat à donner. Celui qui a deux chameaux, il n'a pas de zakat à donner. D'accord. Et la part, donc c'est à partir d'un nombre spécifique de chameaux qu'on commence à donner la zakat. Et c'est ce qu'on appelle un nisab, la part. Et par exemple, on reste au chameaux. Si quelqu'un possède, si quelqu'un possède 1, 2, 3 ou 4 chameaux, il n'a pas de zakat à sortir. D'accord. Il ne donne rien comme zakat. S'il possède 5 chameaux, là, il va commencer à donner la zakat. Et comme on va le voir, il doit donner un mouton. D'accord, un mouton ou une chèvre qui est spécifique, ce mouton ou cette chèvre, qui a un âge précis, mais ça on va l'étudier en détail, d'accord. Donc c'est ça la part. Et ensuite, s'il possède 10 chameaux, il va devoir donner 2 moutons ou 2 chèvres, d'accord. Et ainsi de suite, et il y a des parts précises, c'est ça qu'on appelle les parts, d'accord. Et pour ce qui est, comment dirais-je, pour les cultures, donc comme on va voir pour le blé, c'est à partir de tant de kilos que la zakat doit être donnée, et pour l'or et l'argent, c'est à partir de tant de grammes qu'on doit donner la zakat. C'est ça ce qu'on appelle la part. C'est que tant que la part, ce nisab, n'est pas atteint, il n'a pas de zakat à donner. D'accord. La chaîne que j'ai faite aujourd'hui s'appelle Institut Islamique en minuscule. Avec un frère, on est allé, mais on apparemment, elle ne ressort pas, peut-être parce qu'elle est toute nouvelle, mais c'est sur Institut Islamique. J'ai même mis le premier cours de cours qu'on avait fait sur le jugement de celui qui délaisse la prière. Je vais mettre le quatrième cours parce que malheureusement, j'ai pas pensé à enregistrer le deuxième et le troisième. A-t-il un lien pour télécharger? Oui, le mettre, je l'ai mis le lien sur. À chaque fois, vous avez vu, j'ai mis un texte assez long. Normalement, vous devez le voir. Et il est sur IslamWay. Je vais le reprendre, je vais vous le donner. Alors, le coup s'est coupé. Alors, pour le mat, inshallah, normalement, le mat est inscrit dans le test qui, à chaque fois que je mets régulièrement, où il y a marqué notamment que j'ai enlevé tous les micros et tout ça, il y a le lien sur IslamWay. D'accord? Donc, je vais vous le remettre, inshallah, seulement le lien. Vous me le dites si le lien est bien d'apparaître chez vous, si vous le voyez. Bismillah. Voilà. Est-ce que le lien pour le matin est apparu? Quand que je me déconnecte? Donc, est-ce que Ibn Yahya Boutros peut me dire s'il voit juste ou s'il voit le lien pour le matin. Égyptien Christian 217, salut. Salut. Ibn Yahya, est-ce que vous non tu vois le matin? Ou est-ce qu'un autre frère ou sœur peut me dire, pour pas perdre de temps, barakallahu fikoum, est-ce que oui, le lien de IslamWay. Ah non, vous ne le voyez pas, pourtant, subhanallah, pourtant, pour moi, quand je le mets, il apparaît. La ilaha illallah. Pourtant, je mets le lien. Moi, il apparaît dans la discussion, mais apparemment, vous le voyez pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah, il y a Ouman Fal'un qui dit oui, on voit. Donc, il y en a plusieurs qui ne le voient pas. Il y a un parmi vous qui le voit. Écoutez, je ne sais pas comment faire. Enfin, je vois ça avec un frère, Inch'Allah. Sinon, vous allez sur le blog islam.france, overblog. Et vous allez dans cours de fiqh et vous l'avez, Inch'Allah. Et peut-être je verrai ça aussi avec repère de sagesse. Bon. Inch'Allah, il n'y a plus de questions pour le cours de fiqh. Donc on va rentrer, Inch'Allah, dans le cours de Rakhida. Abu Haroun, c'est quoi la part? Ah bah j'avais répondu. Ah, peut-être que le micro était coupé. Donc je recommence donc l'explication de c'est quoi la part An-Nisab, non c'est ça, An-Nisab. La part, c'est-à-dire, c'est la part, c'est le minimum, déjà c'est le minimum obligatoire qu'on doit posséder pour sortir la zakat. Je vais redonner cet exemple-là. Quelqu'un qui possède un chameau, il n'a pas de zakat à donner, il ne donne rien comme zakat. S'il possède 2, 3 ou 4 chameaux, il ne donne rien. À partir de 5 chameaux, donc une personne, un musulman qui possède 5 chameaux, il doit donner, à partir de là, il doit donner la zakat. Donc le minimum obligatoire de la part, c'est 5 chameaux. Et s'il a 5 chameaux, il doit donner ce qu'on appelle un chat. Ce n'est pas un chat en français, hein, c'est H-A-T, mais c'est chat, c'est Shin, Alif et un Tamarbouta, c'est un mot arabe. Hein. Ça ressemble à chat au mot français, mais ça n'a rien à voir. Ça englobe le mouton et la chèvre, mais d'une année spécifique, comme on va étudier. D'accord. Et après, s'il a 10 moutons, il doit sortir 2 Starfordas. S'il a 10 chameaux, il doit sortir 2 moutons ou 2 chèvres spécifiques, etc.